Sors, je suis brisé le fuego. Je bois vodka comme Limoncello. Je fais une remontada seul comme Cristiano. Grosse équipe dans le Viano. Je suis dans le GLC 63S. Je vois cloche à refaire rouge, mes billets pas 3 pièces. Que ça m'interpelle, me demande si c'est ma caisse. Frangin, si tu la veux, il te faut des mampesses. Pourquoi tu me fais ça, poto? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pas un j'rivais d'un classe à mon gros, j'ai fini en féfé. Je regarde plus la télé, ya ya ya. Je suis dans des bails de fêlé, ya. Combien de fois pour toi je me suis mêlé? Je te disais d'or à la jambe quand tu te fais geler. A chaque fois que j'ai pris, ils en profitent pour dire que j'ai changé. Je vous souhaite une longue vie, d'avoir du bonheur et de bien manger. Tu connais ma vie, me fais pas la bise, tu sais comment c'est. Je dis pas que tu m'as trahi, mais combien de fois tu y as pensé? Tu y as pensé, c'est sûr, ouais ouais, tu y as pensé. Tu y as pensé, j'en suis sûr, tu y as pensé. Tu y as pensé, j'en suis sûr, tu y as pensé. Tu y as pensé, j'en suis sûr, tu y as pensé. Moi je t'aime bien, mais toi tu m'aimes pas. Comment on fait? Viens faire la bagarre. Viens faire la bagarre. Ouais, viens faire la bagarre. Viens faire la bagarre. Ouais, viens faire la bagarre. Je voulais déguster un Punta Cana. J'ai fini en Paname. Ça va mieux, je sois en madame. Je me cavoue, faut bien que je m'adapte. Au studio, pas de mi-temps. J'aimerais savoir faire de la guitare comme un gitan. J'vois pas ce qu'on dit sur moi, j'ai la tête dans le guidon. Tu quittes même si elle me quitte pas, je la quitte pas. On prend le yacht, on va ailleurs. Sous le soleil de la côte, j'ai briefé le chauffeur. Faut que je profite, parce que le bain ça va vite. J'veux pas finir dans le trafic, j'vais faire que des classiques. À chaque fois que j'ai pris, ils en profitent pour dire que j'ai changé. Ma vie, me fais pas la bise, tu sais comment c'est. Je dis pas que tu m'as trahi, mais combien de fois tu y as pensé? Tu y as pensé, c'est sûr, ouais ouais, tu y as pensé. Tu y as pensé, j'en suis sûr, tu y as pensé. Tu y as pensé, j'en suis sûr, tu y as pensé. Tu y as pensé, j'en suis sûr, tu y as pensé. Moi je t'aime bien.